C'est la saison baseball qui est ouverte depuis jeudi. On a fait au cours des derniers jours la Ligue américaine. Là, maintenant, on va faire la Ligue nationale avec Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On va commencer avec l'ouest de la nationale, les Dodgers, les Giants, les Padres, les Rockies et les Diamondbacks. Écoute, je pense qu'il faut y aller avec les Dodgers. Je pense qu'ils vont être seuls. Les Padres devraient être une équipe plus compétitive, plus d'expérience. On est allé chercher un meilleur gérant capable de gagner, Bob Melvin. Les Giants ont surpris tout le monde. Par contre, c'est une équipe, l'an passé, c'était une équipe vieillissante. Et c'est une équipe également que tout le monde a connu sa meilleure saison en même temps. Donc, il faut favoriser quand même les Dodgers, surtout que la question de Freddie Freeman, c'est un coup de bâton terrible. Écoute, c'est difficile d'aller contre Los Angeles. Puis, tu sais, on va déjà les prédictions. Là, je te dis, moi, je pense que les Dodgers vont Ah. gagner le championnat de la Ligue nationale cette année. Encore une fois, je les vois se rendre en série mondiale. Écoute, c'est une équipe qui, je pense se sont juste améliorés, en fait. Je vois pas nécessairement de pertes là, du côté des Dodgers. Je pense que de jeunes lanceurs ont pris un step en avant l'an dernier. La relève est solide. De te parler de Freeman, ils ont Trey Turner. Écoute, c'est une équipe complète, là. À peu près à toutes les positions. Dans le cas des prétendants, ben les Giants, je pense effectivement, ton analyse est bonne, là. Tout a tombé au bon moment, de la bonne façon l'an dernier. Puis c'est une équipe qui, sans nécessairement être moins bonne, ils ont perdu par exemple Kevin Gausman, mais ils ont cherché Carlos Rodon, qui a bien lancé l'an dernier avec les White Sox. Donc, c'est pas une équipe qui a tout perdu ce qu'il a fait l'an dernier, mais tu as mentionné que tout était bien tombé au bon moment. Dans le cas des Padres, il y a deux choses. Bien évidemment, Bob Melvin, j'ai bien connu comme gérant des Aces d'Oakland. C'est Ben un oui. excellent gérant. Donc, je pense que ça, c'est une super bonne acquisition du côté des Padres. C'est sûr que la blessure, par contre, à Fernando Tatis, ça fait mal. Puis, on commence à voir que Tatis, c'est le joueur qui ne donnera peut-être pas 140, 150 matchs Non. régulièrement. Cette année, si en joue 100, ça va être beau. Est-ce qu'il va Blessure au transférer un poignet, là. voltigeur? Éventuellement, oui. Oui, bien, je pense que le plan est là. Ça va diminuer Hein. Ouais. aussi le risque. Puis en plus, avec le frappeur de choix maintenant, je pense que ça va donner plus d'options du côté des Padres. Tu sais, Eric Hosmer, on voulait moins le faire jouer. On a Jake Cronenworth qui joue un peu partout. Donc, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est bien construite. Les Padres, Yu Darvish aussi, qui est un excellent lanceur. Donc, ce n'est pas une équipe là, qui manque d'argent. Ce n'est pas une équipe qui Non. manque de bons joueurs, mais c'est une équipe qui est un petit peu en deçà. Quand on dit ça, c'est une équipe, les Padres, que tu mettrais favori dans bien d'autres divisions parce que Ouais. les Dodgers sont vraiment au-dessus de la mêlée, je pense, dans l'Ouest. Puis derrière, ben, les Rockies, écoute, c'est une équipe qu'on ne sait pas. C'est quand que les Rockies, on va les voir. Bon, c'est pas compliqué. Certains disent que c'est à Manque cause du Coors d'identité. Field. Manque d'identité. On n'est pas capable de développer des lanceurs. On a eu des bombes, mais ça n'a rien donné. Et puis dans le cas des Diamondbacks, c'est une équipe qui est en progression. Par contre, les Diamondbacks, plusieurs bons jeunes qui ont progressé dans les dernières années. Donc, c'est une équipe qui n'est pas loin de revenir compétitive, mais qui est encore assez loin, par contre, des plus gros ténors de cette division-là. Centrale, écoute, centrale des Cubs, les Reds, les Brewers de Milwaukee, les Pirates et les Cards. Il faut prédire les Cards et les Brewers, ça va être une lutte entre les deux. Oui, comme parlé dans les dernières années, Ouais. c'était vraiment les équipes qui se sont démarquées. Je mentionnais dans la chronique sud-américaine une équipe à surveiller par division. Je pense que dans le cas de la centrale, il n'y a pas nécessairement d'équipe que je dirais qui était surveillée. Par contre, les Pirates et les Reds, qui sont au bas de Ah. l'équation, ont plusieurs bons jeunes qui vont Ouais. pousser et qui vont arriver cette année. Des bons lanceurs du côté des Reds de Cincinnati. Entre autres Green qui va arriver là, dans quelques semaines et ou qui a même fait l'équipe au camp d'entraînement. Puis du côté des Pirates de Pittsburgh, c'est une équipe écoute, qui va rester au fond. Ils n'ont à peu près pas de masse salariale, ils n'ont pas Non. d'investissement qui est fait du côté de l'équipe. Par contre, O'Neill Cruz est à surveiller, un joueur d'haricots au format géant qui peut à peu près tout faire sur le terrain, qui risque d'arriver là, au début mai. Donc, des joueurs à surveiller, mais encore là, rien de solide de ce côté-là. Du côté des Cubs, c'est une équipe qui cherche une identité un petit peu. Ils ont fait beaucoup de mouvements, mais on ne sent pas nécessairement la ligne directrice. Il y a une reconstruction qui a été amorcée l'an dernier depuis qu'on a laissé aller les Baez et les Rizzo et compagnie de ce monde. Et la course à deux, les Brewers et les Cards. Je pense que les Cards, écoute, le retour d'Albert Pujols, ça ne sera pas bon nécessairement pour l'équipe dans le sens que Pujols, je pense qu'il est vraiment en fin de carrière cette dernière année. Puis c'est tout ça, mais je veux dire, c'est la dernière ride, entre guillemets, là, des trois du côté là, Right. avec Adam Wainwright là, et tout ça. Donc, je pense que les Cards vont vraiment être l'équipe à surveiller. Ils ont une excellente relève, ils ont des bons lanceurs partants, bons jeunes joueurs de position également. Dans le cas des Brewers, probablement la meilleure rotation de la nationale avec Corbin Burnes qui a gagné le Cy Young l'an dernier, Brandon Woodruff, Eddie Peralta. Donc, probablement le top 3, là, le meilleur de la nationale. Mais c'est au bâton. Christian Yelich, il a vraiment régressé par les dernières années avec ses maux de dos. C'est le joueur clé. Là. Si Yelich redevient Yelich 30 circuits, 100 points produits, mais est-ce que Yelich est vraiment capable de revenir avec son état de santé? Moi, j'en doute. Donc, je pense que les Cards vont remporter cette division-là. Mais les Brewers, juste avec la force de leur lanceur partant, puis en relève aussi, elles ont Josh Hader, peut-être le meilleur releveur de la ligue. Ils ont Devin Williams, un des meilleurs metteurs de table en 8e manche. Donc, les Brewers, juste avec ça, vont faire les séries, mais les Cards devraient gagner la division. OK. Division, la division qu'on va surveiller de près, évidemment, l'Est, parce que j'aime bien les Braves de Tantôt, vous savez. Ben, j'aime pas les Braves, j'aime Alex Anthopoulos. Donc, c'est les Braves, les Mets, les Phillies, les Marlins et également les Nationals de Washington. Écoute, il faut favoriser encore les Braves d'Atlanta. Oui, ils ont perdu Freddie Freeman. Par contre, tu as allé chez Matt Olson, qui est un excellent joueur de premier but. Il a des meilleures fiches encore que Freddie Freeman. Mike Soroka devrait être de retour. On est allé chercher Kelly Jansen comme releveur en fin de match. C'est une équipe, encore une fois, qui ont de l'argent également. Donc, il y a un excellent directeur général, un des trois meilleurs directeurs généraux du baseball majeur. Donc, moi, il faut favoriser les Braves d'Atlanta dans cette division-là. Encore une Ah fois. oui, assurément. Puis, Acuna tu va as être de parlé de retour tout ça. également. Ben, c'est ça. Et on a gagné la Série mondiale sans Ronald Acuña Jr. en plus, qui va être de retour après sa blessure au genou là, subie l'an dernier. Donc, j'ai l'impression que les Braves, là, c'est une équipe qui va non seulement gagner la division, mais qui peut encore aller très loin. La perte de Freeman fait mal, par contre, avec Matt Olson, je pense qu'on n'est pas, on sait pas trop, on ne risque pas trop de s'ennuyer de Freeman, surtout à long terme. Je pense que Freeman, pour les 2 prochaines années, va peut-être être supérieur à Olson, mais Olson est plus jeune et je pense qu'il y a un meilleur potentiel de vieillir dans les 3, 4 prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers ce contrat-là du côté des Braves. Il y a aussi le retour de Marcel Ozuna qu'on oublie l'an dernier. Ozuna a eu Est-ce des que problèmes personnels. Ça pourrait ramener aussi c'est un un excellent coup de frappeur de bâton, ça. puissance. Ouais. Donc, Mike Soroka également comme lanceur partant qui revient d'une blessure de Tommy John, également à surveiller. C'est un gagnant qui est en forme, c'est un gagnant facilement de 15 victoires. Facile, gros, facile, ça, le Canadien Mike Soroka. Les Mets et les Phillies. Les Mets ont dépensé beaucoup. Ça n'a pas été un grand succès la première année. Par contre, on est allé chercher plusieurs joueurs. Et Francisco Lindor et également Matt Scherzer seront là. Est-ce que tu favorises quand même les Mets pour avoir une meilleure année cette année? Ça passe par Écoute, ça Lindor, je dépend. pense. Ben, ça passe par Lindor au bâton. Il faut vraiment qu'il revienne. Ouais. Hier, c'était malchanceux. Il était atteint au visage d'un tir. Semble être sorti avec plus de peur que de mal, mais ça aurait pu mal commencer l'année. On a déjà perdu Jacob deGrom pour plusieurs Ouais. semaines. Puis deGrom, c'est rendu la grande question à chaque année. Il va lancer 10-15 départs qui sont des départs incroyables. Il arrive, puis il lance 10-12 retraits au bâton, tout ça, mais il n'est pas capable d'en faire plus que 10-15. C'est pas suffisant. Max Scherzer arrive. Écoute, c'est un lanceur dominant. Donc, si DeGrom, Scherzer sont en santé puis lancent bien, c'est une équipe qui peut facilement se faufiler en série. Mais ça va prendre vraiment l'apport là, du côté de joueurs comme Lindor au bâton. Puis, du côté des Phillies, c'est une équipe qui est améliorée. Les Phillies ont été chercher plusieurs bons joueurs. Je pense à Kyle Schwarber, qui va frapper beaucoup, mais qui avait l'an dernier peut-être une des pires défensives des 10, 15, 20 dernières saisons dans le baseball majeur. Donc, c'est difficile pour les lanceurs de lancer devant cette défensive-là. Ça leur a coûté plusieurs matchs l'an dernier. Là. Des fois, on parle de la défensive, puis on peut dire, ah ouais, c'est pas si important que ça. Les Phillies, l'an dernier, ont perdu, je pense que c'était l'équivalent de 8 matchs en raison d'erreurs défensives ou de points qu'ils ont perdus à cause de la défensive. Donc, ça peut faire toute la différence entre une participation par la porte d'en arrière aux séries. Par contre, c'est une équipe qui est quand même bien placé dans cette division-là. Alors que quand tu regardes derrière les Marlins, écoute, Derek Jeter est parti, ça n'a pas bien Il y a de fonctionné, bons jeunes lanceurs, l'expérimentation. par contre, les Marlins. C'est une rotation incroyable. C'est une rotation incroyable, mais qui risque Ça potentiellement de marquera ne pas de plus points. l'être. Oui, et peut-être même de plus l'être en milieu ou en fin de saison. On va peut-être déjà la bouger parce que justement, on a beaucoup de profondeur au monticule, mais on ne marquera pas de points du côté des Marlins. Non, Donc, ce n'est pas suffisant. Puis ils n'ont pas de relève non plus du côté de Miami. Puis dans le cas des Nationals, écoute, depuis qu'on a laissé aller là, les joueurs de la Série mondiale d'il y a 3 ans, ça repose sur les épaules de Juan Soto. C'est une équipe qui est encore capable, mais encore une fois, les blessures, on pense à Stephen Strasburg, commence sa saison sur la liste des blessés. Patrick Corbin s'est vieillissant, souvent blessé aussi par les dernières années. Donc, je pense que les Nationals, malheureusement, encore une fois, des bons joueurs. Juan Soto, un des meilleurs joueurs du baseball, mais pour Washington et Miami, là, c'est le fond de la division. Je pense La qu'il les grande a battus. nouveauté cette année dans la Ligue nationale, c'est le frappeur de choix. Oui. Écoute, ça avantage qui? Ouais. On a eu beaucoup de discussions dans le camp d'entraînement, mais je pense qu'en bout de ligne, quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, Dan, ça favorise les équipes qui ont de la profondeur. Puis les équipes qui ont de la profondeur au bâton, surtout, c'est lesquelles? Ben, c'est les mêmes qui ont été dans les séries l'an passé loin. Les Braves, les Dodgers font partie dès le départ, moi, je pense à ces deux équipes-là qui, justement, vont pouvoir amener un bâton complémentaire de plus à leur alignement déjà dominant. Donc, ça risque de changer, évidemment, la stratégie. On peut être d'accord ou non. Moi, j'étais un puriste, un peu comme toi. J'aurais préféré qu'on garde Ouais. la stratégie ou du moins espérer qu'à un moment donné, ça revienne un peu plus là-dessus. Par contre, au final, je ne pense pas que ça avantage nécessairement une équipe versus une autre. Donc, dans le national, les Dodgers. Ah, les Dodgers, assurément. Puis même jusqu'au Ouais. bout, moi, je pense, Ouais. j'avais choisi les White Sox dans l'Américaine, mais les Dodgers, je pense, champion de la nationale, champion de la Série mondiale. Puis pour ceux qui les aiment pas, je pense qu'il faut falloir se rabattre un peu sur les Dodgers. Écoute, je regardais un peu leur structure cette semaine salariale. C'est des bons contrats. Ils ont l'argent. Ils ont des jeunes. Ils ont un réseau de filiales qui est garni pour faire des transactions. Donc, les Dodgers sont là encore pour 3-4 ans avant là, C'est de ça qui est diminuer, surtout s'ils dommage. peuvent s'entendre à long terme avec Trey Turner. Ouais, c'est ça qui est dommage du côté du baseball. C'est que la convention collective a fait en sorte que, ils n'ont pas travaillé sur la renégociation de convention collective, de faire dépenser plus d'argent aux équipes comme les Pirates, comme les. Pour rendre les équipes plus compétitives. Mais ça, on n'a pas réglé ce dossier-là, effectivement. Bruno, on va Oui, s'en parler. Oui? Vous voulez ajouter quelque chose? en fait, c'est dommage que tu dis, puis je pense que malheureusement, la convention actuelle ne changera pas les choses. La seule chose que moi, j'apprécie, par contre, du côté des Dodgers, c'est que c'est une équipe qui est bien gérée. Ce n'est pas une équipe qui achète des championnats. Écoute, ils vont chercher les bons joueurs au bon moment. Ils en ont développé plusieurs qui sont là depuis des années, des Justin Turner de ce monde. Ils ont des jeunes, je pense entre autres des joueurs qui sont plus jeunes, comme Chris Taylor, qui est là depuis 6-7 ans, qui joue partout sur le terrain. C'est une équipe qui aime ça, envoyer des joueurs à gauche, à droite. Ils ont récupéré des joueurs que d'autres équipes avaient abandonnés. Ils ont transformé. Ils ont plusieurs anciens, des Rays, donc beaucoup d'analytiques au niveau de l'équipe. Donc, c'est Peut-être un trop mélange des d'ailleurs. deux. Peut-être trop. Dave C'est en fait Roberts, un c'est pas. souvent de Dave Roberts, c'est souvent accusé de ça, de pas être un gérant d'instinct, mais être un gérant de. Tu sais, c'est trop ce comme passé. Là. On parle évidemment de C'est statistiques ça. avancées. Là. Puis le baseball, évidemment, c'est le sport qui se prête un peu sur statistiques avancées. Là. Donc, mais à un moment donné, il faut que tu parles de ton instinct aussi. Puis c'est peut-être ça qui a coûté peut-être un championnat aux Dodgers. Là. Non, juste un dans cette séquence-là. Mais ultimement, au moins, moi, ce que j'aime au moins de ça, c'est que ça part vraiment de. On n'a pas acheté des joueurs à gauche, à droite, puis Non. ça a donné des résultats. Il Ouais. y avait un plan. Donc, quand une équipe est bien menée et qu'il y a de l'argent dans un système comme le baseball, c'est dur de se battre contre ça. Oui, non, on va s'en reparler tout au long de la saison avec Mark Griffin, également Roger vient faire son tour là, tous les vendredis également. Et peut-être Jacques Doucet, encore une fois, François Paquette. Donc, le baseball, encore une fois, cette année, va être très, très bien couvert à Dan Radio Sport. Merci beaucoup, Bruno, on s'en parle bientôt. Merci Dan, bonne saison. Notre ami Bruno Boudreau qui parlait de la Ligue nationale.